cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif, rahimahullahu ta'ala, al-aslu al-tasi', neuvième fondement. On est toujours fi risalat Cheikh Abd al-Salam ibn Burgess, rahmatullah alayhi, usul al-da'wati al-salafiyya. Qala munabadatu ahli al-bida'i wa al-tahdhir minhum, aslun azim. As-sunni, yahdhar min ahli al-ahwa'i wal-bida'i wal-shar. Il fait attention de ne pas se mélanger avec n'importe qui. Ahli al-bida'i wal-shar, alayhi shak annahum, ils essayent d'attirer as-sunni pour lui mettre des choubah, pour l'écarter de ce haq, li annahum yubghidouna al-haq, ils détestent le haq, fayuharibouna ahli al-haq. Ahli al-sunna, ils doivent faire attention à ça. Et leurs exemples, c'est salaf. قال الشيخ عبد السلام أجمع السلف على منابذة أهل البدع والتحذير منهم كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين. نعم كثير من أهل العلم ils ont cité الإجماع l'unanimité des savants أن السني il doit s'écarter de أهل البدع il doit mettre en garde contre eux لأنهم ils appellent au شر. قال ومما يجدر ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضيه ان اهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنه ويختفون خلف اسمها بينما هم غارقون في البدع يعرف ذلك كل من نظر اليهم عن قرب واطلع على ما يتسارون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحكام المسلم ونكث للبيعة ونحو ذلك احذر من الاغترار بأهل البدع même si en apparence ils appellent la sunna لأن المبتدع pour attirer les autres ربما il va citer un délil من الكتاب من القرآن ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-sunna où il va citer les savants de la sunna en bien où il va étudier tel livre, il va enseigner tel livre. حتى الناس يغطرون به. أما السنة على علم, il sait que les gens يوزنون بالشريعة بالشرع. Et l'apparence c'est une chose, لكن au sol le شخص, et les fondements qui suivent, c'est ça qui va nous démontrer est-ce qu'il est à la سنة أم لا. مثلا داعي, un داعي من الدعاء, il appelle al خروج على الحكام. Même s'il prétend suivre l'islam, même s'il s'habille comme un sunni, même s'il parle en bien de Cheikh Fulan ou Fulan, c'est un munharif tant qu'il ne délaisse pas هذا الأصل الخبيث. هذا ما نحن on doit دائما peser هذه الأمور بالعلم. Si on n'a pas de ilm, on revient à أهل العلم. Et c'est ça notre situation. نحن. On n'a pas les moyens avec notre niveau, enfin on revient à أهل العلم. Enfin tu auras trois cas. علماء السنة دعاة أهل السنة مشايخ أهل السنة ils sont connus ولله الحمد tu reviens à eux tu les suis تستفيد منهم bien sûr sans taqlid un cheikh il peut se tromper un alim il peut se tromper على كل حال الخير il est موجود si ce savant il s'est trompé tu auras la réponse vers un autre savant alhamdulillah c'est clair un autre groupe أهل البدع والشر أي des prêcheurs clairs ils appellent à la bid'a قال إخوان والمعتزلة والخوارج لا أخلي تتكحت دو وتبغضهم في الله tu les détestes et tu les délaisses لله عز وجل. Un troisième groupe tu connais pas, مجهولون par rapport à toi, peut-être qu'ils sont à la خير, peut-être qu'ils sont à la شر, لكن أنت tu connais pas. فمثل هؤلاء لا تستعجل, ne te précipite pas à critiquer, ne précipite pas à prendre. لأن on a deux cas, بعضهم ils se précipitent طعن والتحذير alors qu'ils le connaissent pas, هذا لا يجوز. السني يلازم العدل. Tu connais pas, tu dis الله أعلم. أنا je le connais pas. C'est un مسلم حسن الظن إن شاء الله il est à la خير, لكن prendre العلم de lui إلى آخره, أنا je le connais pas. Si tu as besoin de son علم, tu te renseignes. Qu'un autre cas, يرفعون بسرعة. أنهم يبارلون bien de lui, ils prennent de lui, ربما ils achètent ses livres, ils achètent ses cours. À la fin avec les recherches, c'est un ikhwani, c'est un ash'ari, c'est un munharif. نحن notre position مع المجهولين, on ne prend pas d'eux, et si tu as besoin, tu te renseignes. C'est ça, tariqatu salam. Tu vas préserver ton din, كذلك, tu vas préserver ta langue, كذلك mulazamatu al-adl, hatta on n'est pas injuste. Et on n'a pas le droit d'être injuste, hatta ma'a ahl al-bid'a, bal hatta ma'a al-kafara. Al-zulm, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala harramahu ala nafsihi wa ja'alahu bayna ibadihi muharrama. On fait attention à ça. Daiman al-adl. On n'a pas le droit de mentir, même si c'est un munharif, même si c'est un mubtadi', même si c'est un kafir. Si on parle sur un tel, c'est pour le din. Et le din, il est fondé sur le haqq ou l'adl. Se laisser aller et critiquer bighayri haqq, ou ta'am bighayri haqq, ou mentir, fahada la yajouz. Qala Cheikh Abd al-Salam, rahmatullah alayhi. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمان هو دأب أهل البدع قديما وبهذا العمل تروج بدعهم وتثبت في القلوب صحيح أن البعض ils ont pas d'ilm et ils se basent que sur l'apparence et يغترون ببعض الناس بعضهم يبخن بعض الضلال من الإخوان المسلمين ومن الأشاعرة ومن التكفيريين يبخن كسوا على السنة. لماذا؟ لأنه ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ينقل كلام ابن القيم أو الحافظ ابن كثير أو من هؤلاء الأئمة خلاص يبنس كلي على السنة. احذر celui qui sait pas يغني أهل التخصيص أهل الشأن علماء الجرح والتعديل c'est eux qui connaissent les الرجال et c'est eux qui connaissent les قواعد pour nous montrer est-ce que tu vas profiter أم لا. أما on délaisse هذا للجهال ما يحصل فساد عظيم. إما exagération وغلو إما تميع وضعف. Et dans les deux cas, c'est pas permis. الوسط العدل. C'est ça qu'on doit suivre بإذن الله جل وعلا. قال وقد روى ابن بطة رحمه الله الإبان بسنده عن مفضل ابن مهلهل وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أنه قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه فتأمل هذا الأثر من هذا الإمام. ففي الحقيقة son كلام il est دقيق et il est جميل. Il te montre la ruse et la gravité de أهل البدعة. قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. Ils ont du مكر. المبتدع il sait très bien que si il dit tout ce qu'il pense et il montre clairement sa bid'a, كثير من الناس vont les délaisser. لكن ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. لكن au départ سيتكلم بالسنة. Il va te citer que des choses où on est tous d'accord. أنه il faut faire salat, أنه il faut respecter les parents, أنه il faut revenir au Coran, أنه il faut revenir à la sunna, que des choses tout le monde est d'accord. ثم et يدخل عليك بدعته. Quand il voit que هذا الشاب خاصة هذا c'est في الشباب, c'est eux qui aiment plus le ilm ou qui font plus d'efforts pour les assises de ilm, qui voyagent pour apprendre ilm. ربما الشباب أكثر لكن ça englobe tout le monde. قال ثم يدخل عليك بدعته. Quand il voit que cette personne elle l'écoute, elle lui fait confiance, elle accepte de lui, il commence à propager al-bid'a. Il commence à propager des choses. Il sait très bien qu'au départ, tu n'aurais pas accepté. Lakin al-an, il y a un lien qui s'est fait. Qala fala'allaha talzimu qalbak. Famata takhruj min qalbik. Peut-être que cette bid'a va rentrer dans ton cœur. Lakin al-an, deux situations. Imma, cette personne, elle va refuser. Elle va dire là, ana, j'accepte pas. Et il va s'apercevoir que sa mubtadi', il va le délaisser. فهذا إن وفق السيل على علم. Deuxième cas, il n'est pas à la haine et il va prendre et cette chose elle va rentrer dans son cœur. Son frère sunni un jour il va lui dire ya akhi, cette chose c'est une bid'a ou telle personne c'est un munharif, il n'acceptera plus. لماذا لأنه سنتر dans son cœur, il fait confiance à son mubtadi' et il accepte lui. قال رحمة الله عليه فمتى تخرج من قلبك. C'est une question طيبة. Quand est-ce qu'elle va sortir de ton cœur? Donc sunni fait attention, il se préserve min al-bidaya, ne t'assois pas avec eux. Le bien qu'ils ont ou le ilm qu'ils ont, tu le trouves عند sunni safi walillahilhamd. Amma al-munharif La chaque annahum, ils ont du khayr dans certaines choses. Ils font salat, ils font le hajj, ils lisent le Coran. Ça, c'est du khayr. Lakin, c'est mélangé avec du char, et ce char, il te fera du mal. C'est comme un verre de lait mélangé avec du poison. Le lait, c'est du khayr. Et ton corps, il en profite. Lakin, mélangé avec du poison, ça te fait de mal. Hakada, ilm al-mubtadi'. S'il a du ilm, on vit dans un zaman, ba'duhum, ils prennent an juhal. La sunna ou la ilm. قال ولهذه العلة الملحوظة وهي دخول البدع في القلب وخشية علوقها أي تعلقها به كان السلف رحمة الله عليهم لا يستمعون للمبتدع كلاما ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع. Pourquoi السلف ils se sont écartés de أهل البدع مع أنهم c'était des أئمة. Ils étaient à la ilm, ils connaissaient leur aqida. Walillahi alhamd, c'était des ubbad. Ils plaçaient leur confiance en Allah. Malgré tout ça, ils savent que l'insan n'est pas à l'abri. Que dire aujourd'hui, wahid, il ne connaît pas l'arabe, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas aqwal ahl al-ilm, il ne connaît pas usul ahl al-bid'ah. Et il se mélangea. C'est une proie facile, ahl al-bid'ah, yaf'alouna bi hada al-shakhs ma yuridoun. C'est pour ça qu'on doit s'écarter. قال رحمة الله عليه فقد روى ابن بطة رحمة الله عليه في الإبانة كتاب جميل الإبانة للإمام ابن بطة إلى نعدو الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى أيضا بسنده عن معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة ابن طاووس إمام من أئمة السنة فجاء رجل من المعتزلة تأمل c'est pas lui qui va voir le مبتدع أبدا c'est le مبتدع qui vient à lui il y a une différence فمم si c'est le مبتدع qui vient تأمل الموقف فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه ابن طاووس رحمة الله عليه il a rentré ses deux doigts dans ses oreilles قال وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد il a dit à son fils fais la même chose rentre tes deux doigts dans tes oreilles واشدد لماذا لأنهم savent que البدعة خطير ils savent que القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقول أهل العلم قال وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني ان القلب ضعيف معمر رحمه الله عليه لا expliquer اي القلب اللي ضعيف لا تظن انك tu vas te mélanger اهل البدع ou tu veux polémiquer مع فلان et tu as du علم انك خلاص il va forcément écouter الامور بيد الله عز وجل السلف رضي الله عنهم ils voulaient le bien pour les autres اكثر منا et ils étaient على الحق اكثر منا ils se sont écartés فاكرتوا écarte-toi, c'est afdal, bel, c'est wajib. Qala, wa qad rawa ibn Batta aydan fi kitabih al-mushar ilayhi sabiqan. Tous ces athars, c'est mon kitab al-Ibana. Atharan min hadha al-qabil fima akhrajahu an Abd al-Razzaq. Faqala an nafsihi, qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, wa huwa ahad al-mu'tazila. Ara al-mu'tazila indakum kathiran. Qultu na'am, wa hum yaz'umuna annaka minhum. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قال قلت لا قال لما قال قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب تأملوا هذه الأثار سنموت خلنا سيسال أدب فلا تغتر أن بعض الناس سيجد كعد أهل البدع إذا سيد في قوة سيبا من الأدب أو سيبا من الرفق pense à ton دين pense à ton دين ابن طاووس رحمة الله عليه il a appris هذا à son enfant أما بعض الناس ربما ils peuvent pas changer d'endroit ou se détourner de un tel لأن الأدب ou ça se fait pas ça c'est pas من منهج السلف السلف ils donnaient de l'importance au دين c'est eux qui خالفوا الأدب c'est أهل البدع bien sûr s'il y a des مفاسد إلى آخره c'est autre chose on va pas détailler مسألة الهج لكن connaître ses fondements c'est مهم et celui qui sait pas ou il est dans une situation il connaît pas يسأل أهل العلم قال لأن القلب ضعيف Quand cette personne qui se mélangeait au Mu'tazila, il voulait lui parler, قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت أي rentre avec moi في هذا الحانوت et on se parle. قال لا il lui a dit لا je ne te parle pas. لماذا قال لأن القلب ضعيف. انظروا التواضع. C'est ça la modestie qui les a élevés. Amma celui qui se sent à l'abri, il veut naqish, il veut se montrer. Nous, on vit à une époque, vous avez remarqué les affaires qu'on lit, c'est Ahl al-Bid'ah qui viennent vers les A'im. Et ils viennent vers ces imams, ils savent qu'ils sont appréciés عند الناس. Et s'ils arrivent à les convaincre, ils vont suivre. Enfin, c'est eux qui viennent. Et l'A'im, alhamdulillah, il les repousse. Et il les hajr lillah. Nous, on vit dans une époque, c'est le sunni qui va les voir. C'est lui qui y va. Que ce soit sur internet, que ce soit les réseaux, les messages polémiques. Pourquoi? C'est quoi la différence? Al-Naha'ula, Al-Amal, il était lillah. Il ne veut pas défendre son nefs. Il ne voulait pas défendre son nefs. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les deux cas, Al-Qalb Da'if. Il pense à son qalb. Amma, celui qui veut défendre son nefs, fait le mubtadi, il va le provoquer. Comme il se passe un dans les réseaux sociaux. Un message, Obama, il le provoque, et il répond. L'imam al-Aliyana, il va avoir le dessus. Ya akhi trokou. Tu vois le dessus de quoi? Dînullah subhanahu wa ta'ala mansour. Al-haq il est wadi, ce mubtadi, il veut que te faire du mal. Et anta si tu veux lui faire du mal, bi-idnillahi azza wa jalla, et tu veux pas que son char se propage, coupe les ponts et tu verras alhamdulillah, il va s'éteindre. Amma hum, ils aiment la polémique, limada, lianna, ça leur donne du crédit. Indanna. Annahu il parle, annahu il a réussi à convaincre un tel, annahu il a réussi à bloquer un tel. Et notre sunni, il fait du mal à sunna. Il se fait du mal qu'à lui-même. Qala wa akhraj ibn Batta aydan bi sanadihi an Sa'id ibn Amr qala hadathana Sallam ibn Abi Muti' anna rajulan min ashab al-ahwa qala li Ayyub as-Sikhtiyani ya Aba Bakr. Haoula sadi a'imma kibar. Ayyub rahmatullah alayhi min a'immat as-sunna. C'était une référence à son époque. Qala أسألك عن كلمة هذا المنحرف يبغي يدمندي أيوب تأملوا الآن سين كيستيون يتعلمون أن الأصل لكي يبوز une question c'est il veut profiter من العلم c'est pour ça que les savants ils répondent لكن ce منحرف الآن أيوب رحمة الله عليه il connaissait alors أسالي أنه cette question il voulait quelque chose ouais il voulait pas العلم لأن العلم s'il le voudrait il aurait délaissé البدعة et il serait venu aux assises لكن قال أسألك عن كلمة أي je te pose une question فقط une كلمة قال أيوب ويجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة il faisait un signe avec son doigt et il lui disait ولا نصف pas la moitié d'une كلمة توبة reviens à la sunna délaisse le bid'a accroche-toi au haq alhamdulillah t'es notre frère à la sunna amma il veut rester sur sa bid'a il veut que cet imam lui répond là Ha'oula, ils ont fermé le bab. C'est pour ça qu'ils ont préservé le dîn. Et c'est pour ça que cette aqida salafia, walillahi alhamd, elle est venue à nous, bi-idnillahi azza wa jal, naqiyya, safiya. Limada liyanna ha'oula, ils l'ont préservé. Amma se mélanger, wahad wa'if, il parle avec un tel, thumma une shubha, thumma il vient poser une question, on m'a dit, c'est toi qui as ouvert les portes. Apprends ton dîn, apprends le Coran, apprends sunna. احفظ كتاب التوحيد احفظ الواسطية احفظ الأجرومية احفظ عمدة الأحكام احفظ رياض الصالحين apprends ton دين et الحمد لله fais autant que tu peux amma se mélanger à أهل البدع ça fait du mal واحد peut dire les conseillers leur montrer laisse أهل العلم laisse أهل العلم الحق il est واضح amma أنت au nom de الدعوة ou pour guider un tel ou الهداية c'est بيد الله tu te fais du mal c'est pas من الحكمة Et il va citer هذا. On va le lire, inshallah. قال فهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يعزفون كذلك يجوز يعزفون أي ينصرفون يبتعدون عن الاستماع إلى المبتدع بل يحذرون من ذلك لألا يلد في القلب شيء من بدعهم فتحصل عندئذ الهلكة فكيف بالله يكون قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه Vous avez remarqué que le mubtadi il vient lui demander إما dans la rue إما dans un endroit il veut lui poser une question et السلف il le repousse Qu'est-ce que السلف ils ont dit أن القوم ils vont ils assistent aux assises du mubtadi بل يسيت les mérites de ce munhari بل أشد من ذلك أن بعضهم يبلاس leurs enfants أطفال أولاد مساكين il les place عند أهل البدع et une مصيبة أخرى il les place عند الكفرة qu'est-ce que السلف ils ont dit هذا celui qui veut préserver son دين في الحقيقة الأمور واضحة Et celui qui a des faiblesses, il fait du'a. Et yatruk al-jidal ou al-mira. Et yarji ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait des efforts. Wala yukallifu Allah nafsan ila wus'aha. فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكون أشد وأقوى ولذا لما قدم سفيان الثوري رحمة الله عليه سفيان الثوري إمام كبير جبل في السنة فقدم البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس فسأله عن مذهبه سفيان رحمة الله عليه il a demandé sur الربيع بن صبيح qu'est-ce que les gens pensent de lui. فَقَالُوا لَهُ مَا مَذْهَبُهُ إِلَّا السُّنَّةِ Ils ont dit, Alhamdulillah, il est à la sunnah. فَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ إِلَى نَعَمْ مَا مَذْهَبُهُ إِلَّا السُّنَّةِ أَيْ لَيْسَ نَعْرِفُهُ مِنْ مَذْهَبِهِ إِلَّا السُّنَّةِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ مَنْ بِطَانَتُهُ وَالْبِطَانَةِ C'est son entourage. Avec qui il marche. قَالُوا أَهْلِ الْقَدَرِ قَالَ هُوَ قَدَرِي لِأَنَّ الْمَرْءُ عَلَى الدِّينِ خَلِيلِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Il marche avec le qadariya, face à un qadari. Ça ne serait pas un qadari, il ne va pas marcher avec eux. Khassatan, il est à la ilm, il a des connaissances, limada, il marche avec eux. Ça, ça vous montre une faïda azima. Anna ma'rifatu hal al-rijal, ça revient à l'ahl al-ilm. Pas à l'awam al-juhal. Annas, l'an, ils ont dit à Rabi ibn Soubih, il est à la khid, il est à la sunna. Un imam, il est venu, il leur a démontré, c'est un qadari. Avec une hujja qawiyya. Annahu, il marche avec le qawm, il est avec eux. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة comme ils disent en français qui se ressemble ça semble انتهى الأمر il les aime pas il les délaisse فpourquoi marche avec le qadariya il est à la sunna si c'est un sunni قال يقول ابن بطه رحمة الله عليه في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان صحيح أن son كلام il est fondé sur العلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم T'as pas le droit de te mélanger avec Ahl al-Shar. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Ne te mélange pas avec Ahl al-Kufr wal al-Ilhad, avec Ahl al-Bid'a wal al-Fasad. Fais attention, Akhi al-Karim. Te mélange avec tes frères Ahl al-Sunnah, fais khayr wa kifaya. Walillahi alhamd. Si tu te trompes, il te conseille. Si t'as le haqq, il t'encourage. Si tu t'es mal comporté avec lui, il te pardonne. Bi idhnillahi azza wa jal. Khayr. Amma al-Mubtadi'a, qu'est-ce que tu vas gagner? إلا الشر وضياع الوقت ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق تأمل هذا الكلام القوي أن celui qui aime pas واحد il doit pas marcher avec lui et celui qui aime واحد il va marcher avec lui c'est tout simple فالسني il se mélange pas avec le mubtadi' قال ابن بطة رحمة الله عليه تعليقا على ذلك صدق الفضيل رحمه الله فإن نرى ذلك عيانا في زمننا أكثر فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سينان قال لئن يجاورني صاحب طنبور قال في الحاشية أي صاحب طبل أي الطبل c'est un instrument vous connaissez le mot Tambour en français, ça vient de ce mot, tambour. Aïe, un tambour, un instrument, yadam billah. Qala la in yujawirani sahib tambour, ahabu ilayya min an yujawirani sahib bid'a, li anna sahib tambour, anha, wa aksir tambour, wal mubtadi' yufsidu nas wal jiran wal ahdath. Sahih anna ce fasiq qui écoute de la musique, robama il sait que c'est haram. Robama tu vas lui dire baisse la musique, il va t'écouter. Robama tu vas le conseiller un jour. Il va arrêter. Et Obama, il ne va pas combattre ta famille, tes enfants, tes voisins. Tout le monde sait qu'il a des faiblesses. Et lui-même, il le sait. Amal Mubtadi', il va te critiquer. Il va essayer de te faire du mal. Il va faire du mal aux voisins. Il va essayer d'égarer un tel et un tel avec sa bid'a. Enfin, le bid'a, c'est beaucoup plus grave que le ma'asiyah. يقول ابن بطة رحمه الله تعليقا على هذا الموضوع يقول الله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. Ibn Battah, rahmatullah alayhi, il explique ce kalam. Fais attention, akhil karim, de ne pas mettre ton din en danger. Qala wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhat madhabi ala al mukhatara bi din. Même si tu as des connaissances, même si tu connais le regardement, ne te sens pas à l'abri. Celui qui se sent à l'abri, c'est bidayat al halak. Il a ouvert une porte à son os pour périr, yadam billah. Fais attention, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et préserve ton din. قال فيقول اسمعوا cette شبهة qui est répandue aujourd'hui. أي هذا السني على الحق لكن il veut montrer à ce مبتدع. قال فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. يا فلان, pourquoi tu parles à ce منحرف, que ça soit directement ou avec les moyens d'aujourd'hui, sur internet, les réseaux, téléphone, il a آخر. فالبعضهم يقول كما قال ابن بطه هنا. Je me mélange à lui pour qu'il délaisse sa bid'a, qu'il délaisse ce groupe. قال فإنهم أي المبتدع أشد فتنة من الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ منه. Celui qui entend parler du Dajjal, qu'il prenne la fuite, il se sauve. لأن الدجال الله سبحانه وتعالى لا قدر أن celui qui le tuera c'est عيسى بن مريم. Si un jour tu es vivant et tu entends parler du Dajjal, sauve-toi. Léana, tu ne pourras pas l'arrêter. Fa, préserve ton dîn et sauve-toi. Ibn Battah, rahmatullah alayhi, yaqul, fa innahum al-mubtadi'a ashaddu fitnatan min ad-Dajjal. Ça peut être plus dangereux pour toi que le Dajjal. Qala, wa kalamuhum alsaq min al-jarab. Al-jarab, c'est une maladie à la peau. Wa ahraq lil-qulub min al-lahab. Al-lahab, c'est les flammes. Ça te fera plus de mal que cette maladie à ta peau et des flammes sur ton cœur. Ce mot, c'est-à-dire. Ibn Battah, rahmatullah alayhi, il cite son expérience personnelle. Il connaissait des gens. Ils insultaient le mubtadi'a, ils les maudissaient. Ça montre qu'ils n'aimaient pas le mubtadi'a. Qala, fama zalat bihim al-mubasata. أو قبل ذلك قال فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم. Ils détestent le mubtadi'a, لكن ils se sont mélangés à eux. Pourquoi? Pour leur montrer النهي عن المنكر إلى آخره. فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. أهل البدع ذو المكر. المباسطة أي كلام, des assises, manger, polémique, question, réponse. Petit à petit, jusqu'à ce que ce frère sunni, il a faibli et il est parti avec eux. Les anna ahlul bid'ah, ils ont du makr. Le mubtadi', il va mentir. Il va te promettre. Il va t'encourager. Tout ça pour que tu t'égares. Un autre frère sunni, il va parler bid'ah bihaq, une bonne niya, et ce makr, il se fait avoir. Et ici, il est mukhlis, la'allahu yanju. Lakin, rubbama, à cause de ses péchés, yahlak. Fais attention à hada. Ibn Battah, rahmatullah alayhi, il raconte cette histoire à son époque. Que dire de nos jours? Est-ce que tu es responsable de ce mubtadi'? Tu n'es pas responsable. Celui qui s'égare, Allah, il a une hikma. Fais da'wa, apprends l'ilm. Propage des livres, propage des audios. Celui qui veut le haq, alhamdulillah, le khayr mawjoud. Amma, tu te mets en danger pour guider fulan, c'est pas min aqidat islam. Est-ce que tes parents, ils sont à la sunnah? Si la réponse c'est non, fais de da'wah à tes parents. Tes parents, alhamdulillah, ils veulent que ton khayr. Même si ce n'est pas des musulmans, ils ne veulent pas ton mal. Fais leur da'wah, alhamdulillah. Tes parents, ils sont à la sunnah. Est-ce que tes frères et sœurs, ils sont à la sunnah? Là, ça commence par eux. Thumma tes voisins. Thumma les awam de ton quartier. Alhamdulillah, les awam fihim khayr. Même s'ils font des bid'ah, ils sont ignorants, ils ont du khayr. Ce n'est pas des mubtadi'ah, c'est des ignorants. Commence par eux. Amma, on délaisse tout cela. Et on va parler avec Rous, Al-Ikhwan, Wal-Khawarij, Wal-Mubtadi'ah. Fa, na'oudu billah. Qala, falakad shahidna, ulaika fi zamanina hadha yaqulun. Hadha kalam Cheikh Abd Salam. Kadhalik, il va citer son expérience. فَلَقَدْ شَاهِدْنَا أُولَٰئِكَ فِي زَمَانِنَا هَذَا يَقُولُونَ نَحْنُ نُجَالِسْ هَؤُلَاء الْمُبْتَدِعَ لِأَجْلِ مُنَاصَحَتِهِمْ وَلِأَجْلِ الْإِطْلَاعِ عَلَى مَنَاهِجِهِمْ السِّرِّيَّةِ الَّتِي يُخْفُونَهَا حَتَّى نَحْذَرْ مِنْهَا فِيمَا بَعْدَ ثم بعد ذلك يقعون في حبائلهم ويصيرون عونا لهم على أهل السنة عافانا الله وإياكم من ذلك. C'est une shubha. Anna, je veux lui montrer, Anna, fais attention à ton dire. Des personnes qui avaient plus de ilm que nous, qui avaient plus de connaissances que nous, ils étaient aqwa minna dans beaucoup de choses, dans la langue arabe et la akhiré, et ils sont tombés avec ahl al-bid'ah. Amma nahnu, avec nos faiblesses, avec notre dha'f, que ce soit fait l'iman, fait l'ilm, on doit faire attention. Préserve cette ni'ma. Tu veux son bien, fais le dua. Il y a juste le dua, même pour le kafir. Fais le dua. Tu connais, matalan, ahad haoula, mubtadi'a. Matalan, tu le connaissais avant, il s'est égaré. Tu veux son bien, fais-lui dua. Dans ton sujoud, fais-lui. Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir. Il répond quand son abd, il lui demande. انتهينا ولله الحمد. قال فهذا هو ما قرره السلف وعليه فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه فوالله إن القوم عن علم نقصوا وعن علم وقفوا. صحيح. On a un exemple في السلف. On dépasse pas les limites. Les salafis se sont arrêtés, on s'arrête. Les salafis se sont pas mélangés à أهل البدع. Celui qui dépasse les limites, فربما يزير. قال يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق في ترجمة أحمد بن عون الله وهو أحد علماء السنة ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج هو مفرج ينظر ضبط هذا الاسم كان أبو جعفر أحمد بن عون ابن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم. هذا الإمام يدتست أهل البدع يسو ملانجي باع لماذا؟ لأنه يكونس الخشر. قال مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم شديد الوطاءة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا. حتى أهل البدع ils avaient peur de lui. Nahum, ils savaient qu'il les détestait, ils mettaient en garde contre eux, ils se mélangeaient pas à lui. Ça montre une faïda awim, un akathir min ahl al-bida. Ils se rapprochent de certains, لأنهم, ils voient une faiblesse, au tam' yatma'oun. Nahum, il leur a ouvert une porte. Nahdar nahnu, les portes elles sont fermées. Et ça arrive كذلك, qu'ils viennent, même si l'insan, il les déteste, في هذا الحال, t'appliques comme ils ont fait, as-salaf, et tu préserves ton din. قال لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه وإن عذر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابده وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه والسوء معتقده. Ça c'est pour celui qui a la قدرة. Et ça implique pas une mafsada a'zam. Enfin, cet imam, il les critiquait en public. Il les humiliait, il les rabaissait. Rahmatullah alayhi, il était fils zaman, il y avait de la quwa. Quwa tu sunna. Amma, si ça emmène une mafsada, écarte-toi. Écarte-toi, ne te mélange pas avec eux. قال ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة. أي لمر على هذا الحال رحمة الله عليه أنه دتست أهل البدع. الشيخ عبد السلام ينسيت cette brève biographie de cet imam pour nous montrer le comportement des salafs avec Ahl al-Bida. On s'écarte d'eux, on les déteste fillah, ils se sont écartés de l'haq et ils ne veulent pas revenir, et tout ça muhtasiban lillahi azza wa jal. Tambihun anna tous ces athar an a'immati salaf, c'est sur Ahl al-Bida. Ne pas exagérer et appliquer ces choses sur ton frère as-sunni, même s'il se trompe, ou sur ton frère musulman. عامي مسكين يكوني با سي شوز اصبر عليه مونتخلي بالتي هي احسن سي اثار سي اهل البدع القدريه الجهميه المعتزله على نوتخ ايبوك الاخوان التبليغ الاحباش القاعده داعش تو سولا. اما طون فرير اي في اون ايرور اي اون فيرس تو لي اثار اهل البدع سور لوي سا سي من الغلو اي سي با من منهج اهل السنه ابدا. سا سي معروف عند الخوارج التكفيريين الحدادية صح c'est leur منهج أما نحن نلازم العدل والسكينة والحكمة والرفق ton frère il peut se tromper mais ton frère il peut faire une bid'a ça veut pas dire que forcément c'est un mubtadi' tu le montres peut-être qu'il a une faiblesse peut-être qu'il a mal compris peut-être qu'il tarra tu le montres بالتي هي أحسن فليس كل من وقع في بدعة أنه سامبتدع c'est pas tous ceux qui font des bid'a c'est des mubtadi'a là là faut bien mettre les choses à leur place كذلك on fait attention من التمييع un autre extrême أنه مبتدع واضح ليكون عند أهل العلم il fait du شر et تساهل et on se mélange et on se rapproche ça nous fera du mal فالوسط le juste chemin le juste milieu c'est l'adl la justice avec la douceur avec l'hikmah et on apprend manhaj al-salaf فهذا فيه خير ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق وكذلك نسأله عز وجل أن يجنبنا فتنة هؤلاء المبتدعة الزائرين نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب